Madame veut bien dire qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment ? 12 hommes à cheval vous cherchent qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais comment ils vous ont suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan. Qu'ils ont interrogé et à qui ils vous ont dépeint l'affaire presse. Et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain, au soir. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagèmes et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarel se revête de mes habits. Et moi, monsieur, m'exposer à être tué sous vos habits? Oh non, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bienheureux est le valet qui peut avoir l'honneur de mourir pour son maître. Je vous remercie d'un tel honneur. Oh, sienne, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce de n'être pas pris pour un autre.